Aujourd'hui, vous écoutez la radio. C'est bien. Mais... Novou automatickou pračku. Ten nový magnetofon. Mluvíme o gramofonu. Na koncertě je má nová přítelkyně. Zatelefonovala. Regarde bien l'appareil. Est-ce que tu vois les quatre grosses touches? Il y en a une verte, une jaune, une rouge et une bleue. C'est avec ces touches que tu vas jouer. Écoute bien mes explications et quand tu entendras... Tu pourras appuyer sur une des touches. Même en ce moment, tu as compris ?